Quel cours avez-vous suivi? Eh bien, moi, j'ai fait A en première, c'est-à-dire la section lettres. J'ai fait du latin, mais pas de grec. Et puis, j'ai suivi les cours communs à toutes les sections. J'ai fait du français, naturellement. Des maths, malheureusement, parce que j'ai toujours été nulle en maths. J'ai failli rater mon bac à cause des maths. Et puis, j'ai fait des sciences nattes. Donc, je veux dire des sciences naturelles. De la zoologie, de la géologie, de la physiologie, de la botanique. Ça m'a beaucoup plu, la botanique, à cause des fleurs. J'adore les fleurs. J'étais très bonne en botanique. Et puis j'ai fait de la chimie, de la physique, quoi encore. De la philo, en terminale. Ma dernière classe lycée, avant le bac. Et puis j'ai fait des langues, allemand et anglais. Vous savez l'anglais? Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que j'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Au lycée, on enseigne plutôt mal les langues étrangères. Et puis, vous pensez bien qu'avec toutes ces matières au programme, on ne sait jamais rien à fond. J'ai fait la section lettres. Quelle section Mireille a-t-elle faite? La section lettres. J'ai fait du latin. Mais pas de grec. Pas de grec. Alors elle a fait du latin et du grec. Elle a fait du latin, mais pas de grec. J'ai toujours été nul en maths. Est-ce que Mireille était bonne en maths? Non, nul. J'étais très bonne en botanique. J'étais très bonne. En botanique. Est-ce qu'elle était nulle en botanique? Non, elle était très bonne en botanique. J'ai fait de la philo. En terminale. Comment s'appelle la dernière classe du lycée? La terminale. Et puis, j'ai fait des langues, allemand et anglais. J'ai fait des langues. Allemand et anglais. Est-ce que Mireille a fait des langues au lycée? Oui, allemand et anglais. Ah, vous savez l'anglais? Ah, vous savez l'anglais? Bon, oui, un peu, mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. Ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Où est-ce que Mireille a appris l'anglais? Au lycée? Non, elle a passé 3 étés en Angleterre. Même si on n'apprend rien à fond, tout ça donne l'impression d'un travail énorme. Oh ça, oui. Il y a du travail. Et le pire, c'est le travail à la maison. Les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations études à préparer. Sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Oh ça, oui. Vous pouvez le dire. Maintenant, à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout les cours d'art grec. Le prof est un amour. Il est beau comme un dieu. Et tellement spirituel. C'est un régal de l'écouter. Ça, oui, il y a du travail. Ça, oui, il y a du travail. Et le pire, c'est le travail à la maison. Le pire... C'est le travail à la maison. Le pire, c'est le travail à la maison. Les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations écrites à préparer, les devoirs à faire. Les leçons à apprendre. Les interrogations écrites à préparer. Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire à la maison? Des devoirs, des leçons. Des interrogations écrites à préparer. Sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. Le baccalauréat. Sans compter l'obsession du baccalauréat. À la fin des études. Quel examen est-ce qu'on prépare au lycée? Le baccalauréat. À la fac, je me sens beaucoup plus libre. Est-ce que Mireille a encore beaucoup de travail à la fac? Non, elle se sent beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout le cours d'art grec. Quel est son cours préféré? Le cours d'art grec. Le prof est un amour. Il est beau comme un dieu. Le prof est beau comme un dieu. Et tellement spirituel. Comment est le prof d'art grec? Beau comme un dieu et tellement spirituel.